Bonjour Serena. Bonjour Paula. Aujourd'hui, nous faisons le top cruise du meilleur scénario. Oui. Top. C'est le top cruise. Serena, le top cruise du meilleur scénario, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est le meilleur scénario. Ah, tu veux dire, c'est quand l'histoire, elle est la mieux écrite. Ouais, oui, à oui. À peu près. Oui, à peu près. Dans le sens, il faut dire que... comment dire ? Il n'y a pas des scénarios non plus des ouf malades. C'est jamais dingo. C'est jamais dingo. C'est jamais parfait 100%. Je trouve que souvent, on dit « Ah, trop bien !» Et avec clac, il y a toujours un truc qui est un peu décevant. Ok. Non ? Ouais. Je sais pas, dans tous les résumés, j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc un peu décevant. Ouais. Il n'a pas une carrière de film à twist, scénario fantastique, bien ficelé. Des scénarios forts, quoi. Ouais, non. C'est pas son truc. Non, pas trop. Ok. Bon, allez, on ne peut pas tout avoir. Non, non, voilà. On ne peut pas avoir un physique de rêve et donc, j'ai fait des super scénarios. Donc, j'ai fait un top 3, mais avec des ex-égos. Ok. Donc, on va commencer au numéro 3. J'ai vraiment envie de mettre Edge of Tomorrow. Oui. Parce que je pense qu'il est très bien écrit. Oui. Même s'il y a les gros défauts, il s'embrasse, oui, voilà, les trucs un peu comme ça. C'est une adaptation en plus d'un oui. manga. Et voilà, il y avait un truc dans l'écriture, à part avec des textes des malades, mais quand même un montage super bien, très rythmé. L'histoire, il ne se rate jamais trop. Oui, c'est vrai. Alors qu'il pourrait vite... oublier qu'il recommence à chaque fois. Perdre un truc, voilà. Ouais. Oui, oui. Franchement, il est bien ficelé pour le principe des bases et c'est un des films que j'ai le plus aimé sur les recommencer la journée à nouveau et tout ça. Et toute l'histoire de jeux vidéo aussi, comme c'est dit, putain, c'est une bonne adaptation quand même. Et il y a un truc vraiment plaisant à regarder un film comme ça. C'est vrai. Qui est dû à l'histoire. Voilà. En même temps, Cage of Tomorrow numéro 3. Ouais. Tu vois, un truc, j'ai fait une petite comparaison avec Minority Report. Oui. Qui a quand même les principes des bases. Une adaptation aussi. Ben voilà. Et qui, les principes des bases, est vraiment génial. Oui. Je trouve le principe de science-fiction des bases est vraiment intéressant. Le fait d'anticiper les potentiels meurtres. Du coup, plus personne fait des meurtres. C'est que les meurtres passionnels. Tout ça, c'est quand même hyper. Ouais. Plaisant. Pareil, il y a quelques défauts quand même sur la fin, que moi ça me saoule un peu, mais il y a quand même un principe hyper fort qui est bien tenu. Sur... Voilà, et les twists, on ne se l'attend pas forcément. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur deux adaptations. Deux adaptations, au numéro 3, avec des petits défauts quand même. Ouais. Ok. Voilà. Numéro 2. Au numéro 2, il faut forcément, je ne sais pas comment faire autrement, mettre Mission Impossible 1 qui, scénaristiquement, est vraiment bien pensé. Ben oui. Était un gros risque à prendre. Ils ont pris leur risque, ils ont réussi. Les twists, on ne se les attend pas. Les masques, c'était la première fois. Bon, bref. C'est un scénario de film, quoi, de cinéma. En plus, c'est ça, par rapport à une série. Oui. Tu adaptes une série, mais en faisant un vrai scénario de cinéma. Tout en gardant quand même les côtés série. C'est ça, en gardant les codes de la série, mais... Ouais, c'est quand même une bonne épreuve d'écriture, je trouve. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Et bon, ben voilà, c'est les 1. Après, les autres, il y a certains scénarios qui ne sont pas si mal que ça, mais c'est trop de rebondissements tout le temps, c'est chiant. Moi, au bout d'un moment, ça m'a saoulé, même les résumés, c'était chiant. C'est un peu toujours l'agence de voyage. Hein, voilà, c'est toujours... Dans les 1, il y a un truc ténu, fort, bon, voilà. Donc, mieux conçu. Qui va en ex-aequo avec Magnolia, je trouve qu'il y a un truc sur les personnages qui est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Oui. Et qui s'encastre super bien. Bon, avec la fin un peu chelou, il faut dire, mais quand même, il tient sur des relations et par contre, il a des dialogues trop bons. Oui. Pour les coups, là, c'est vraiment un travail de scénario. Tu dis, waouh, putain, le mec, il a écrit ça. C'est vraiment touchant, beau. Ah, mais tu vois, je suis surpris. J'aurais pensé qu'il serait numéro 1, Magnolia. Et non. Ah, alors, parce qui est numéro 1 ? Petite surprise. Le twist final, Legend. Parce que je trouve qu'en numéro 1, en fait, je trouve qu'Emmanuelia, il pouvait pas trop parce que la fin, quand même, elle te laisse un peu... Ouais, moi, je trouve que c'est un coup de génie, quand même, la fin, justement. Moi, les grenouilles, non. Bah voilà, je trouve bien, mais c'est pas suffisamment, pas suffisamment accroché. C'est un peu amené un truc bouffe, et pourquoi, et après ça passe autre. Bon, bah. Ok. Mais bon, super dialogue. Donc, alors, le numéro 1. Je trouve l'histoire qui m'a le plus marqué, c'est Taps. Je trouve que c'est une super critique anti-guerre, sans jamais nommer la guerre. Je trouve que tous les dialogues, ils sont trop bien pensés. En fait, tout est hyper subtil. Et on n'est pas emmerdé avec Tom Cruise qui est une star. Oui. Et qui, du coup, on doit l'amener quelque part. Là, il travaille vraiment sur un rôle... presque un cadeau du début, tu vois, mais il a un rôle de ouf. Et bon, au-delà de Tom Cruise. Mais l'histoire, je la trouve vraiment brillante, quoi. Les mecs, il a été brillant de passer une critique anti-guerre, tout en créant une guerre à l'intérieur d'une académie militaire. Franchement, on ne pouvait pas faire mieux. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'était la petite surprise du chef. Ah, c'est classe. Non, bravo. C'est une bonne critique, quoi, je trouve. Eh bien, merci, Serena. Eh bien, de rien. Et à demain. À demain.